Tracassé, rasé, DJ MK. J'verse ma démo dans le cerveau, la tête dans le caniveau. Rivo, FADA, tu veux voir le niveau, ce qu'on vaut. Dans le sud-est, fils, on fait le forcing comme le peut s'idée, c'est franc. Les wacks, on pressing. Écoute ceci ou fume-le comme de la Sensi. Pense ton cul et reste assis. Ça part sous le mic MC, plus même si avec mon posse. Samia qui veut si, des textes et que si. Dissous, corps mes cachets d'aspirine. Aspire mes rimes, inspire la crête au MC. Même si on me dit, on me tente par la facilité des petits. Moi je vois grand, avec plus de pouvoir que l'argent. Peut ramener les fausses cagons, cagons, peux mener. Amène tant que le rap des bonnes vibes, Elias ma mère. Excès, érection, pure trip, recette de cassette ou sur instru YACXL. Pas d'excès zèle, mais l'expert ne fait qu'extraire les rimes de son cerveau sincère contre les experts. Reste, écoute le son de la côte, rend ses comptes potes. Les spots qui veulent nous boycotter sans doute des coups de clotte. Je mets aux genoux qui se retrouvent à mettre du je mets à genoux. Tu me suces, t'en remets un roman pour te déjeuner. Mais t'en reveux, je reviens, c'est le gravé, t'écoutes, t'es bravé. Tu me dis, y'en y en a plus d'un qui va en baver. Pas de gaffe, des pas vont se mettre les putains, les través. Les wacks à chaque phase on dit ouais, ben c'est là, je l'avais. Plutôt rêver, mon ventre est creux, écrit. De fin, je vais creux, régime instru, encre. De plus, insomniaque et aigri. Au mic, mec, y'a pas de miracle, dit supercherie. Kiffe mon son, vide-toi les poches, deviendrai supercherie. Je me priverai pas, j'ouvrirai en porche chez moi une porcherie. Dans le spice avec ses girls hurler, arrête, tu manges, chérie. Dans le cul des spasmes, la bouche pleine de sperme. Passe au squad en forme, les adversaires la ferme. Appuie sur le bouton, au bout ton mic naze. Dans le fin, on parle plus de fausses phases. Ok, je fais trop de films, fini les fausses rimes. Kaira, tu caleras, pour ma témo pourra couler comme du champagne sur la Riviera. Tu rêveras pas, tu reverras sur le mic rasé. Tu me testes le FADA, tu jettes pas, vas-y. Je te fais vibrer en extasie. Écoute la jalousie des wacks, trop des masques. Avec moi, c'est pas les masques. C'est Zera, les tarés du FADA depuis longtemps sont parés. Maintenant, y'a plus qu'à te parer, on se marre, on pourra sur ta face. Le 2-2-0 pour le hip hop, tire la chasse. Fâche, fais la chasse aux putes, baisse ton flûte. De votre huc, de huc de pute, aussi vite que Luc. Pas de chance, change d'adversaire. Le cerbère se sert des verres pour faire taire les langues de pute qui persévèrent. Qui persévèrent. J'arrive, pense ma vente, culé, y'a quoi. Le 2 squad représente, plaisante pas. Nique les MC corrompus comme Pasqua. J'aime les Pascal, j'raille dans ma ville. Fais pas d'escale, tu t'esquives en douce, sale cave. Passe et qu'on y faut comme il boucave. Ma voix, j'crois, j'touche du bois, j'suis dur, j'marche droit. Malgré que les wak à bois, liquidita, dit dire que les MC fallons de valérien. Tu vas prendre un coup de pied, coup de fou aérien. J'suis bien valorien, j'lâche rien. Mais sache qu'un valorien n'a rien à perdre. Quitte à courser ou rembourser mes ennemis. Sur le mic, je contamine comme putain d'épidémie. Yeah, ouais. Pas des A, S-A-M, le si, le lyriciste, Paul, yeah. DJ Mika. T'as la 7K, t'es 10 à 9K. Tout a commencé avec le mic et toute la team. Sam, écoute. Tout a commencé avec le mic et toute la team. Stefa pour le FADA. J'ai des sacs de rimes plein les poches, donc je les lâche. Puis j'apparais au loin, discret comme un Apache. Au tout premier abord, tu ne me calcules même pas. Une fois que j'ai pris mes marques, après tu ne vois plus que moi. Mes rimes brillent, éclairent l'endroit où je me trouve. Si tu copies mon style, prends garde à toi si je te retrouve. Je prouve avec ma voix, progresse avec ma foi. Je suis contraint de planer parfois au-dessus des lois. Certains de mes méfaits conduisent tout droit à la prison. Donc pèse-le pour le contre et élargis ton horizon. Car tous les risques pris doivent être calculés à l'avance. Je mets le contact, passe la première et puis j'avance. Appelle ça comme tu veux, du hip-hop ou du peura. Interdit au lobsa, en plus de ça je fais peura. Les gars qui ne me connaissent ni d'Ève et ni d'Adam, qui crachent sur mon produit finiront par cracher des dents. C'est les dents de la mer, je casse les dents de ta mère. Tu pensais tester mon son, donc vas-y lâche l'affaire. Moi je la lâche pas, les producteurs je les lèche pas. Produit par mes amis, l'underground ça se passe comme ça. Si t'es pas chez McDonald's ou Burger King, donc passe le bout de ferraille à celui qui au micro est le king. Tout a commencé avec le mec que y'a le résiste. Ok, vas-y. Ouais, Sam. Pour le Fundamental Squad, tout le FADA, Samia, DJ Mika, Steve, Fast, Razi, Marvin, MASAR.